إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد عباد الله إن الله سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ويقول سبحانه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ويقول عز وجل أيضا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة ويقول سبحانه وتعالى ألا لله الدين الخالص ولكنه مع الأسف الشديد قد انحرف ناس من المنتسبين لهذا الدين عن هذا الطريق المستقيم المبين فخالفوا هدي المرسلين والموحدين ووقعوا في الشرك بالله رب العالمين فتراهم يتعلقون بالأولياء وينظرون لهم النذور ويطوفون حول أضرحتهم والقبور وتراهم يعتقدون فيهم العقائد المنحرفة ويصرفون لهم أنواع العبادات المختلفة فمن قائل بإسقاط التكاليف عنهم إلى قائل بأنواع من الكرامات الخيالية إلى غير ذلك من كل بلية ورزية فكان حقا على أهل السنة وأصحاب التوحيد أن يدافعوا عن هذا الدين وأن يبينوا للناس منهج ربهم وطريق صدقهم فإن الأولياء حق ولا ينكر ذلك إلا من جادل في ثبوت الصدق يقول ربنا سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولكن البحث كله منصب على معرفة الولي من غيره ومنصب على معرفة ما ينبغي له مما لا يجوز صرفه له وإليه فإن الولي يا عباد الله هو كل مؤمن تقي فإن الله عز وجل لم يترك وصف الأولياء مهملا بل قال سبحانه إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم فسر ذلك وبين وشرح فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون ومنها هنا قال من قال من أهل العلم كل مؤمن تقي فهو لله ولي فإن الإنسان بحسب ما عنده من تقوى وإيمان يكون عنده من ولاية الرحمن فكلما زاد إيمانه وزاد تقواه فكلما ازدادت ولايته وتولي ربنا إياه فمن ضعف إيمانه كان في أضعف أماكن الولاية، ومن زاد إيمانه زادت ولايته لله بحسب زيادة إيمانه. فإن الولاية أو الولاية بكسر الواو وفتحها كلاهما لغتان، وهي المحبة والنصرة. فلذلك كان معنى نهي الله سبحانه وتعالى عن تولي المؤمنين للمشركين، كان معناه النهي عن محبتهم لدينهم ونصرتهم في ذلك وعلى ذلك. وكان معنى قول الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، أي يحب بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا. وكذلك ولي الله سبحانه وتعالى فهو الذي يحب الله جل في علاه وينتصر لشريعة مولاه بإقامة شرع الله وفرائضه ونوافله. فلقد جاء في صحيح الإمام البخاري في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فلقد رسم لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم طريق الولاية بكل معالمه، ولم يبقي بعد شيئا مخفيا. فإنما تنال الولاية بإتيان الفرائض والإكثار من النوافل حتى تنال حب الله سبحانه وتعالى. فإذا أحبك الله تولاك ونصرك، وكان لك ومعك سندا ونصيرا. أما أن تزعم أنك تحب الله سبحانه وتعالى وتدعي الاعتصار، اعتصار القلب بذلك بدون أن يوافقه العمل، فاسمع إلى ما قاله الحسن البصري رحمه الله. قال: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فليست المسألة أن تزعم أنك تحب الله سبحانه وتعالى، فهذا يزعمه كل أحد وأي أحد، كما قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ولكن المسألة والشأن كله أن يحبك الله سبحانه وتعالى، فمن أحبه الله بذلك فهو الموفق، وذلك هو الولي السعيد. فكيف تحصل على نصرة الله وعلى محبة الله وعلى رضاه؟ ذلك ما بينه المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الآنف ذكره بإتيان الفرائض والإكثار من النوافل. فإن الولاية أو الولاية كما سبق هي المحبة والنصرة، وربنا عز وجل ليس بحاجتنا أن ننصره، وإنما إن نصرناه فإننا ننصر أنفسنا، كما قال سبحانه وتعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فمن نصر شرع الله فمن نصر شرع الله سبحانه وتعالى ونصر نفسه باستقامته على الشرع ونصر ملته في الرباط والجهاد ونصر أهل ملته بالذب عنهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وباب ذلك كله إتيان الفرائض واجتناب المحارم والنواهي والإكثار من النوافل، فهو حقيق أن ينصره الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فكأن معنى هذه الآية: إن تتولوا الله في اتباع شرعه يتولاكم بنصرته وتأييده وتثبيته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين باتباع شرعه الحكيم، وأن ييسر لنا أن نأتي الفرائض ونجتنب المحرمات والنواقض، وأن نكثر من النوافل والطاعات وأنواع العبادات والقربات، فإن هذا هو سبيل الولاية، وهو طريق العزة، وهو أول البداية. فإن ناسا من المتهوكين في شرق الدنيا وغربها يزعمون للأولياء ما لا يجوز أن يصرف إلا لله رب العالمين، حتى قالت الشيعة الرافضة: إن لأئمتنا الاثنى عشر ولاية تكوينية على كل ذرة من ذرات هذا الكون. من قال هذا الكلام؟ الخميني قال هذا الكلام في كتابه، قال: إن لأئمتنا الاثني عشر ولاية تكوينية على كل ذرة من ذرات هذا الكون. فيزعمون أن أولياءهم أرباب من دون الله يكونون هذا الكون بذراته وأشيائه، بل ما من ذرة في الدنيا إلا ولأوليائهم المزعومين الذين هم أول المتبرئين منهم ومن كفرهم وطغيانهم ولاية تكوين وخلق وتصريف فيها. وهذا والعياذ بالله هو الكفر المبين والشرك المستبين، نسأل الله العافية. فهذا شرك، يعني حتى كفار قريش ما كانوا وصلوا إلى هذه الدرجة من الكفر ومن الشرك بالله، لأن هذا الشرك في الربوبية. أما كفار قريش أبي لهب وأبي جهل، الله سبحانه وتعالى يقول عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. كفار قريش ما أشركوا في الربوبية، أشركوا في العبادة، صرفوا أنواعا من العبادة لغير الله. وأما هؤلاء فيقولون أن لأئمتهم يعني ولاية تكوينية على كل ذرات من ذرات الكون، والعياذ بالله. وكذلك الصوفية يقولون: مقام الولاية في برزخ فويق النبي ودون الإله، فويق النبي ودون الإله. هذا في كلامهم في كتبهم. ومعنى ذلك أن الولي عندهم مفضل على النبي، فإن البرزخ هو الفاصل، كما في قوله سبحانه: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، يعني فاصل يفصل بين هذه الحياة الدنيا وبين حياة الآخرة، وهو مرحلة القبر. ومقام الولي في برزخ يعني في مكان فاصل فوق النبي ودون الإله. الله المستعان. وحسبك هذا القول ضلالا وحسبك به كفرا وبهتانا وإضلالا أن يزعم أو أن يزعم شخص من الناس أن آخر من الناس أيضا له مكانة فوق الأنبياء وهو ليس منهم، بل هذا الولي المزعوم مقارن عندهم بالإله فهو دونه بقليل. فلذلك زعم هؤلاء الصوفية الضلال أن الولي قد سقطت عنه التكاليف وأنه لا يصلي ولا يصوم وأنه قد بلغ مرحلة الكشف. الكشف يعني كأنهم يرون أشياء أو يسمعون أشياء من الملائكة أو يأتيهم الأنبياء أو يدعون أحيانا أنهم يطلعون إلى السماوات السبع إلى أن يصلوا إلى اللوح المحفوظ فيقرؤون ما في اللوح المحفوظ ويعرفون الغيب. نسأل الله العافية. إلى أن بلغ مرحلة الوصول كما يدعون، ومن تعدى ذلك منهم فإنه يزعم أن الولي يكون حاضرا بيننا بجسده ويصلي في المسجد الحرام بروحه. فإذا سألته لماذا لا تقوم لتصلي، يقولون أنا صليت في مكة، الآن روحي ذهب إلى مكة ورجع، أنا لا أحتاج أن أصلي. نسأل الله العافية. هذا في كتبهم، هذا في كتبهم، وتجد ذلك مكتوبا عندهم، وهذا يخفونه لعوام الناس، لا يخبرون عوام المسلمين بهذه الأساطير والأكاذيب، ولكن بين أنفسهم إذا جلسوا مع بعض يذكرون هذه الأكاذيب وهذه الأقاويل، ويذكرون ويكثرون في ذلك من الأكاذيب والكرامات المزعومة ما الله به عليم. نحن لا ننكر الكرامات الحقة ولا نجادل فيها، فهي حق وشرع وإثباتها هو السنة، ولكن كرامات من وأي كرامات؟ إنها كرامات أولياء الصالحين لا أولياء الطاحين الطالحين. الكرامات الصادقة الحقة لا ننكرها، لا الكرامات المنكرات. فلا بد من التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، السحرة والمشعوذين وغيرهم، لا بد من التمييز. ليس كل أولياء أولياء الله، هناك أولياء للشيطان وأولياء يعني أولياء الشياطين، نسأل الله العافية. فهل من الكرامات أن يبدو الرجل عاريا في الطرقات؟ هذا مكتوب موجود عندهم في كتبهم، يقولون هناك ولي اسمه إبراهيم العريان، يعني يقوم أمام الناس عاريا ويدعون أن هذه كرامة لهذا الولي، نسأل الله العافية. هل من الكرامات أن تؤتى البهائم؟ هل من الكرامات أن يبول الشيخ على مريديه ليحوزوا البركة والكشف والوصول والولاية؟ هل هذا من الكرامات أيها العقلاء؟ ومع هذه الأشياء كل هذا موجود في كتبهم ومكتوب في كتبهم، والله لا يقول ذلك ولا يفعل ذلك إلا مجنون أو زنديق. فلا بد إذن من معرفة حق البشر ومعرفة حق خالقهم. فلا يصرف لغير الله نذر، ولا يطاف بقبر، ولا يخشى ولي، ولا يطلب منه المدد. فإن الله عز وجل يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي إن المساجد والصلوات والمناسك والعبادات تصرف لله فقط، كما في قوله سبحانه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأصلي وأسلم على خاتم المرسلين وخير النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Serviteurs d'Allah, craignez Allah. Et sachez que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran ce qui signifie. Et sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et demande pardon pour ton péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit également ce qui signifie. Et ton Seigneur a décrété que tu ne dois adorer personne excepté lui et d'être bon envers les deux parents. Et il dit également ce qui signifie. Et ils n'ont été commandés que d'adorer Allah seul en lui vouant un culte exclusif et en purifiant pour lui la religion, en s'écartant des idoles et en se rapprochant d'Allah seul, en établissant la salat et en donnant la zakat, et voilà la religion de la droiture. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion de la pureté, la religion pure, c'est-à-dire d'adorer Allah seul et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Mais malheureusement, beaucoup de gens se sont écartés et ont dévié de cette voie. Parmi les gens qui prétendent appartenir à cette religion, à la religion de l'islam, et ils ont contredit la guidance des prophètes et des messagers, et ils sont tombés dans le shirk et le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et donc tu les vois s'accrocher et accrocher leur cœur et leur personne à ce qu'ils appellent en arabe les awliya, et qui est parfois traduit en français par le terme saint, hein, les saints. Comme ça existe chez les juifs, comme ça existe chez les chrétiens, eh bien il y a des musulmans qui ont imité ces deux groupes et qui ont copié la notion de sainteté qui existe chez les juifs et chez les chrétiens, pour la transférer dans la religion de l'islam, la religion du tawhid. Et donc ils ont établi parmi les hommes une catégorie qu'on appelle awliya. Et ils ont déformé le vrai sens du terme awliya, qui est le pluriel du mot wali en arabe, pour en faire une catégorie d'êtres humains qui a des pouvoirs surnaturels ou qui est au-dessus, hein, de la réalité de ce que signifie un être humain, un homme qui a des pouvoirs surnaturels, qui connaît l'invisible, qui contrôle l'univers en dehors d'Allah, et à qui on peut demander et faire des prières et demander d'être exaucé en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala dans les moments de détresse ou dans les moments de peur ou des choses de ce genre. Et ils les adorent en dehors d'Allah, et ils ont envers eux toutes sortes de différentes croyances pendant leur vie et après leur mort. Et c'est pour cette raison que tu vois les gens qui ont ces croyances-là parmi les musulmans, dans les pays musulmans, qui vénèrent les tombes et qui vont visiter les morts et les tombes dans le but de les adorer, dans le but de leur offrir un culte, de faire le tawaf autour de leur tombe ou de faire des sacrifices d'animaux, hein, à proximité de leur tombe, ou bien de leur faire des doigts et des invocations, de chercher d'eux la bénédiction. Et parfois tu vois même qu'ils vont se coller sur la tombe, caresser la tombe, se prosterner devant la tombe. Parfois ils vont même prendre de la terre qui est à proximité de la tombe pour la mettre dans l'eau pour se baigner avec, ou bien ils vont prendre de l'eau qui est près de la source de la tombe, d'une source près d'une tombe, puis ils vont l'utiliser comme de l'eau bénite, parce qu'ils croient que c'est une eau dans laquelle il y a une certaine bénédiction ou une baraka, et il croit que cette eau a un pouvoir de guérir ou d'aider de la maladie parce qu'elle est à côté de la tombe d'un soi-disant saint ou d'un marabout ou d'un cheikh ou d'un wali ou d'un sayyid, peu importe comment on les appelle. Et il y a dans ça différentes formes de shirk, dans la croyance et dans l'adoration. Des choses qui font sortir de la foi, qui font sortir de l'islam. Et on est arrivé à une époque où les musulmans, beaucoup de musulmans malheureusement, ne connaissent pas la réalité de l'islam et la réalité du tawhid et de l'unicité d'Allah. Et qu'est-ce que ça implique de dire « La ilaha illallah » Et donc tu trouves parmi les gens, des gens qui font des pèlerinages à ces saints et des pèlerinages à ces tombes et qui organisent des voyages et qui organisent des festivals même. Lorsque c'est la fête d'un de ces soi-disant saints, ils vont là-bas et il y a toutes sortes d'attractions, d'activités qui sont autour de ces différentes cérémonies. Et donc les gens suivent dans ces pratiques-là, sans parler de toutes les choses haram qui sont reliées à ça. Et donc c'est pour cette raison qu'il est important de comprendre dans l'islam qu'est-ce que ça signifie d'être un wali d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a expliqué dans le Coran qu'est-ce qu'un wali et comment devenir un wali ou comment être un wali et quelles sont les conditions. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Et donc le verset signifie: certes les awliya d'Allah, ils n'auront pas de crainte et ne seront pas attristés, ceux qui ont cru et qui ont fait preuve de piété. Alladhina amanu, ceux qui ont cru, wa kanu yattaqun, ils ont la piété, at-taqwa. Ils font ce que Allah ordonne et s'écartent de ce que Allah a interdit. Et donc ça c'est la définition en réalité que les ulama ont mentionné au sujet du wali. C'est-à-dire la personne qui croit en Allah et qui a la foi et qui a de la piété, qui fait ce que Allah ordonne, qui s'écarte de ce que Allah a interdit. Et c'est pour cette raison que les ulama de l'islam ont expliqué que chaque croyant pieux, il a une part de walaya. Et le terme walaya, en arabe, il signifie deux choses: al-mahabba wa al-nusra. Al-walaya, ça signifie deux choses: al-mahabba wa al-nusra, ça veut dire l'amour et la défense ou le support. Et donc ça veut dire que celui qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala l'aime et Allah subhanahu wa ta'ala le supporte et le défend. C'est ça la définition du wali. Et donc plus une personne est fort dans sa foi et dans sa piété, plus il fait ce que Allah lui ordonne et il s'écarte de ce que Allah lui interdit, comme par exemple le shirk, le kofr, les bid'ah, les innovations, les kaba'ir et les sara'ir, et il fait tout ce que Allah lui ordonne parmi les actes obligatoires de l'islam, les cinq piliers de l'islam et les choses recommandées. Plus il en fait, plus il est aimé d'Allah, plus il est rapproché d'Allah, et moins il en fait, et plus il fait de péché, moins il a de walaya, et moins il est rapproché d'Allah, et moins il est aimé d'Allah. Et donc, al-walaya, il y a des degrés parmi les musulmans. Il y en a des awliya qui sont très rapprochés d'Allah, comme les prophètes, les messagers, les sahaba et les ulama de l'islam. Eux sont les plus élevés parmi les awliya. Puis, en descendant, selon le niveau de foi, selon le niveau de piété, ça descend et ça monte. Et une personne, elle-même, elle peut parfois être un wali rapproché, et parfois elle peut descendre aussi dans sa foi et remonter encore, parce que la foi c'est pas quelque chose qui est fixe, C'est pas quelque chose qui est statique, qui bouge pas, non. La foi, ça augmente et la foi, ça diminue. Ça augmente avec la foi et la pratique, et ça diminue avec les péchés et la désobéissance et la négligence des obligations. Et donc, c'est ça la signification du wali. Et c'est pas comme par exemple chez certains d'entre les groupes d'égarements, comme chez les Rafida. Ils disent, nous on a 12 imams. En parlant par exemple de Ali radiallahu anhu et de ses descendants. Donc ils descendent avec jusqu'à 12 dans la génération qui descend des descendants de Ali radiallahu anhu. Ils disent, ces 12 là sont nos imams. Et ils disent, ces imams là, ils ont un contrôle suprême sur tous les atomes de l'univers. Et même les atomes de l'univers sont soumis à leur autorité. Et ça, c'est, il n'y a pas de doute, du shirk. Et ça, c'est la parole de qui? C'est la parole de Al-Khomeini dans son livre. Hein? Donc, ils imaginent que leurs awliya ou leurs hommes pieux, eh bien, ils ont un pouvoir de contrôler les atomes de l'univers et que tout est soumis à eux en dehors d'Allah. Et celui qui croit en ça, il n'y a pas de doute que c'est du kufr et du shirk. On n'a pas le droit de croire ce genre de choses. Et même les imams que eux ils prétendent croire ou suivre, eux-mêmes ne croyaient pas en ça. Et ils reniaient ce genre de croyances et ce genre de choses. Et ils n'auraient jamais accepté qu'on dise ça à leur sujet. De même que chez les soufis, ce qu'on appelle les soufis, tu trouves chez eux la même chose également. Certains d'entre eux, ils les désignent comme étant des awliya ou des saints. Et une fois qu'ils ont atteint ce degré, ils croient qu'ils peuvent connaître l'invisible. Ils peuvent connaître l'inconnu, l'avenir. Ils croient qu'ils ont le pouvoir de contrôler qu'est-ce qui se passe dans l'univers. Que, yani, si tu les invoques, et si tu vas à leur tombe, tu leur demandes quelque chose, ils vont sortir de la tombe pour venir t'aider. Et toutes sortes d'autres croyances de ce genre. Et ça, ça fait partie des exemples de croyances d'égarement et de shirk, sans oublier que, hein, parfois, ils vont, comme on a dit, faire des actes d'adoration pour les adorer en dehors d'Allah. Donc, tout ça, c'est des exemples de l'ignorance des musulmans de certains aspects de qu'est-ce que signifie réellement d'être un wali d'Allah. Hein? C'est vrai que dans l'islam, on dit oui, il y a certains parmi les hommes pieux, ils peuvent faire parfois des choses qui sont exceptionnelles, qui sont des prodiges. Hein? Et il y a eu des exemples de ça mentionnés dans le Coran. L'exemple, par exemple, de Maryam, hein, radiallahu anha, qui, hein, rahimahallah, yani, elle était enceinte, elle a été enceinte par par miracle, sans l'intervention d'un homme, et quand elle était enceinte, elle a accouché. Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait couler de l'eau à son pied, lui a fait tomber des fruits pour qu'elle mange, et toutes sortes d'autres choses qui lui sont arrivées, qui sont des prodiges, des miracles, et elle ne faisait pas partie des prophètes. Mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver à des gens pieux. L'exemple des trois, des jeunes de la caverne, hein? L'exemple des jeunes de la caverne. Ça aussi, ça fait partie des karamates. Il y a aussi des exemples qui se sont produits à l'époque des sahaba. Des choses que des sahaba ont fait, hein, qui sont arrivées, qui ne sont pas des choses qui sont ordinaires. C'est des prodiges qui viennent confirmer le message des prophètes. Mais certains, ils font des fois des actes de sihr, de sihr, c'est-à-dire de la sorcellerie. Hein, je parle de ceux qui sont aujourd'hui parmi les soufis ou autres, qui se disent des marabouts, des cheikhs ou des choses comme ça. Les gens vont les voir pour leur demander des choses. En réalité, c'est des sorciers parfois. Et ils font toutes sortes de il y a une superstition, toutes sortes d'actes de sorcellerie, hein, et de shirk. Et puis après, les gens disent, ah, ça c'est des awliya, ils font des karamates. Alors que ce ne sont pas des karamates. Ce sont des différentes formes de dajjal, des mensonges et des choses qu'ils font avec l'aide des djinns et des shayatin. Et c'est pour ça que les ulama disent qu'il faut faire la distinction entre les awliya de Ar-Rahman, c'est-à-dire ceux qui sont les aimés et rapprochés d'Allah, et les awliya du shaytan, ceux qui sont aimés et rapprochés du shaytan. Et le shaytan les aide pour égarer les hommes du droit chemin, en leur faisant faire des choses, et les gens vont penser que ce sont des des hommes pieux, alors que la réalité c'est le contraire. Et le meilleur exemple de ça, c'est Ad-Dajjal, qui va venir à la fin des temps et qui va couper un homme en deux, hein, et il va passer entre les deux parties et il va les recoller ensemble et il va vivre. Et il va dire aux gens, je suis Allah. Et les gens vont, certains vont le suivre. Il va faire pour eux des choses que personne ne peut faire parmi les êtres humains. Et malgré tout, hein, c'est un Dajjal, c'est un shaytan. Et les gens vont le suivre malgré tout. Donc ça, tout ça c'est des avertissements pour nous de ne pas se laisser tromper par ce genre d'attitude, ce genre de croyance, ce genre de comportement. Et de savoir que même si les gens font des choses qui sont hors de l'ordinaire et surnaturelles, ça ne veut pas dire que ce qu'ils font est en accord avec l'islam. Et les salafs, radiyallahu anhum, ils disaient, si je vois un homme qui marche sur l'eau ou qui vole dans les airs, je n'accepterai rien de lui tant que je n'ai pas vérifié que ce qu'il dit est en accord ou non avec le Coran et la Sunna. Si ce qu'il dit est en accord avec le Coran et la Sunna, je l'accepte. Mais si ce qu'il dit est en contradiction avec le Coran et la Sunna, même s'il marche sur l'eau, même s'il vole dans les airs, je ne l'accepte pas. Et ça c'est notre aqida, et ça c'est notre méthodologie, et c'est notre manhaj, le manhaj de Ahl Sunna, et la voie de nos pieux prédécesseurs, As-Salaf al-Salih. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفتح